Pour moi, quand je dis qu'il y a un cap, là, c'est que... Ouais, le point tournant. Il y a un point tournant dans la vie de chacun, là. C'est ça que je veux dire. Il faut que les gens en arrivent à ce point tournant-là. Soit qu'ils passent à travers, qu'ils passent au-dessus, qu'ils passent à côté, qu'ils continuent ou qu'ils voient. C'est dépendant de leur personnalité. Dans ce sens-là. Il y en a qui passent au-dessus du cap. Bouliane, c'est un exemple. Qui passe au-dessus du cap. Ils voient le cap. C'est comme s'ils voient maintenant ce qu'ils n'auraient pas vu si on ne s'était pas rencontrés. Comment je dis? Ça se alors, je vous explique ça à ma façon. Là. En voyant le cap, elle évite des épreuves qu'elle pourrait avoir. En voyant, ben, le fait qu'elle voit de haut, c'est déjà à l'éviter. C'est ça. Que ça veut dire que pour elle, elle surmonte, que nous autres, on affronte. Vous autres, vous l'affrontez, puis elle, c'est pas qu'elle la surmonte, c'est qu'elle passe au-dessus. Ça la touche pas. Elle passe au-dessus. Il dit, changez pas de mot. Prenez-les comme ça, là, prenez la vibration, il y a ça, 5 ça, ça veut dire. Comment ça, je veux dire? Mais il y en a qui ne voient pas le cas. Non. Il y en a là, le cap est ici, autrement dit, la limite intérieure est ici, disons là, puis ils passent ici, eux autres. C'est bien comique, la patente. Il y en a une dans la salle, je peux pas dire ce que c'est. Mais. Ça ne me surprend pas. Non. Ils dépassent, ça ne me surprend pas. Ils dépassent pas, puis ils dépasseront pas. Parce que pour le dépasser, faut le voir. Faut le voir, le cap. Faut que chaque personne voie son cap. Ouais. Une fois que tu le vois, tu passes au-dessus ou tu rentres dedans. Mais faut que tu le saches qu'il y en a un. Faut que tu le saches. Faut l'identifier. Faut l'identifier. À ce moment-là, c'est là que tu comprends vraiment ta limite. C'est là que tu comprends ton absence de limite. Ou c'est-à-dire que tu viens de rencontrer le point là que... Ou tu rentres dans l'autre part. Une barrière. Tu devances une barrière. Tu devances une barrière. C'est ça. La minute que tu dis, là, je viens de comprendre la limite, là, tu la dépasses. Ouais. Bon, là, tu n'as plus. Alors là, à ce moment-là, les limites sont simplement imposées en relation avec votre taux vibratoire, votre vie, là, présente. Mais après ça, là, ça va. Quand tu dis que tu es au bout, il faut qu'il se passe quelque chose. C'est pas ça. Ouais. Quand tu dis que tu es au bout, il faut qu'il se passe quelque chose. Là. C'est parce que tu sens la vibration d'un changement vibratoire qui s'en vient. Mais ça, c'est parce que tu as déjà vécu l'affaire du cap. Alors, autrement dit, une difficulté qu'on surmonte, c'est parce qu'on est après monté le cap. Une difficulté que vous surmontez. Vous êtes, disons, ouais, vous, êtes dans, ouais, vous êtes en train de sortir la limite du cap. Ouais. Quand vous êtes sorti de cette affaire-là, à ce moment-là, ça revient à ce que tu dis. Là tu dis, il faut qu'il y ait quelque chose. Là, il y a un changement vibratoire qui se fait, il y a un changement vibratoire qui se fait. Il n'est jamais à la hauteur que vous pensez. Ouais. Fait que là, ça... Si c'est pas, c'est ça. C'est des fois, c'est pas. D'abord, quand tu as dépassé le cap, ça te donne l'impression de comprendre, de saisir un peu quelque chose que tu ne pouvais pas saisir avant. C'est un peu ça, hein? Tu veux? Ouais. Tu commences à saisir tout. C'est ça. Saisir une chose que tu ne pouvais pas saisir avant. Ouais. Comment quelqu'un te l'aurait dit mille fois, tu ne comprenais pas. Ouais. Mais là, tu saisis. C'est clair. Ouais. Là, vous commencez à rentrer dans votre savoir. C'est ça. Là, c'est ça, mais je te dis, là, quand tu comprends ça, tu sais que c'est ça. Ouais. Comment quelqu'un dirait c'est pas ça, tu sais. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Parce que tu le sais. C'est ça. Ouais. T'as pas t'obstiné avec personne. Non. Tu sais que c'est pas, ça. T'as pas prouvé rien. C'est pas... ça. Et tu sais, tu sais. C'est ça. Mais moins tu veux aider avec n'importe qui. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Okay, c'est comme moi, là. Moi, j'ai ma vie, j'ai des gens avec qui je peux passer ben du temps ensemble. À part ça, il n'y a pas. C'est ça. Parce que ma sensibilité fera qu'après quelque temps, je ne... Wow. Fait que plus t'es centrique, plus tu peux passer du temps avec n'importe qui, mais moins tu peux passer du temps avec n'importe qui. Fait que là tu choisis ceux avec qui tu veux passer du temps tout le temps. Plus tu es seulement qu'avec toi-même, plus quand tu es avec un autre, l'autre. Il faut qu'il soit avec toi-même. C'est ça veut dire qu'il faut que tu sois à longueur d'onde. Tu restes seulement qu'avec toi-même, ça fait qu'il ne t'affecte plus. Ouais. Seulement que si tu es en relation avec un autre, je me donne un exemple. Moi, où ce que je reste, j'ai une femme et un homme qui prend soin du terrain, qui prend soin de la cuisine, fallait pas partir de ça. Fait que ces gens-là sont près de moi, 24 heures par jour. Ah. Pour qu'ils vivent avec moi, faut pas que j'aie l'attention. Faut qu'ils soient assez centrés, faut qu'ils soient assez conscients, faut qu'ils soient assez sur leur longueur d'onde, que ça coïncide avec ma longueur d'onde. Sans ça, je passerai mon temps à faire de l'instruction, puis des ci, puis des ça, puis ajuster. Ben... Ah, je pourrais pas vivre avec eux autres. Je serais toujours ses nerfs. Ils sont sur la longueur d'onde, je suis sur la longueur d'onde, fait qu'on est bien ensemble. Je suis relaxé. Je relaxe, totalement. Mais ils te font savoir quand tu es prêt à partir. On peut y aller voir des gens, jongler avec, puis être bien même. À un certain temps, il faut que tu partes. Wow. Puis ça, vous allez réaliser avec le temps. Il va venir un temps, là. 1 heure, c'est 1 heure. 3 heures, c'est 3 heures. Tu sais. J'ai fait des tests. Parce que ce qui arrive avec vous autres, là, au stage où vous en êtes, quand vous parlez, vous pouvez parler tant de temps et pas dire des bêtises. Pas c'est ça, vous dites des bêtises. Comprenez-vous ce que je dis? C'est ça. C'est quoi dire? Ouais. Puis quand vous savez plus quoi dire, là, vous tombez sur un autre plan. Vous tombez sur le plan de la mémoire, les Joe, ce que vous avez fait de 2 ans, là. Vous n'êtes plus dans la conscience supramentale. Vous êtes dans la conscience subjective. Parce que si tu es dans la conscience supramentale, tu vas toujours dire quelque chose que tu as dit. Tu peux pas être dans le supramentale et pas dire quelque chose. Tu peux pas jaser et être dans le supramentale. Non, on peut parler. Mais lorsque vous autres, là, vous vous rencontrez, là vous parlez. D'après ça, vous jasez. Checkez-vous, vous allez voir. Oh, tu me fais penser à quelque chose. Une fois, je voulais lire quelque chose, je savais pas quoi lire. Puis aussitôt vous commencez à jaser, là. Oui, vous allez. Je rouvre l'ego n'a pas l'habitude de pouvoir se mesurer. L'ego n'est pas capable de se mesurer. Parce que pendant toute son évolution, il a été forcé de se comparer. Puis tant qu'on se compare, on ne peut pas se mesurer. Puis ce qui affaiblit l'ego au cours des années, c'est qu'on se compare, puis qu'on se compare, puis qu'on se compare. Quand l'ego commence à comprendre ça, il commence à cesser de se comparer, puis là, il commence à se mesurer. Mais au début de son expérience, quand il commence à se mesurer, il n'est pas habitué, fait qu'il n'est pas sûr de sa mesure. Ça, c'est ça, ça va tout vous arriver, ça, si ça ne vous est pas arrivé. Dans des expériences, surtout dans des expériences où votre action, ou le jugement de votre action est en confrontation avec la mesure sociale du jugement de votre action. C'est là que votre ego va vibrer, c'est là que votre ego va se questionner, c'est là que vous serez pas sûr si vous avez raison ou non. Mais une fois que l'ego a commencé à réaliser que c'est très mauvais pour lui de se comparer, à ce moment-là, il commence à prendre la mesure de lui-même. Éventuellement, après un temps assez rapproché, c'est pas tellement long cette phase-là, l'ego est capable d'agir et de ne pas vibrer dans son action. De prendre réellement son activité comme elle est, puis de pouvoir mesurer la précision de son jugement dans l'activité. Et de ça ressort ce que j'appelle l'action précise. L'action précise, c'est une action qui fait que l'ego, quand il fait un geste, quand il fait un mouvement, il ne regarde plus en arrière. Si vous faites un geste puis vous regardez en arrière, vous venez de diminuer votre volonté dans le geste. Si vous faites un geste, vous devez savoir que si vous avez la vibration pour le faire, vous le faites. Le geste n'est pas nécessairement parfait, comme je l'ai dit, mais il est toujours correct. Faut pas que l'ego regarde en arrière quand il fait un geste. Il fait un geste, c'est final. Là, il avance. Fait qu'éventuellement, ce qui se produit, c'est que l'ego développe la volonté Puis avec le développement de la volonté, il développe la certitude, puis la certitude l'amène à être sûr de lui-même, puis être sûr de lui-même l'amène à être sûr d'être sûr de lui-même. Puis ça, ça l'amène à être centré, puis ça l'amène à être très très bien dans ses actions tous les jours, dans n'importe quel domaine. L'ego ne peut pas douter ses gestes. C'est dur à l'ego de ne pas douter ses gestes, surtout si au geste est attaché une valeur morale quelconque, une valeur sociale quelconque. Puis plus l'ego travaille des forces de lumière, plus il est obligé de poser des gestes qui sont en dehors de ou au-dessus de la valeur comparative qu'il a en général avec l'homme. C'est ça sa centricité. Être centrique, c'est ne jamais se comparer à personne dans son action. Être centrique, c'est pouvoir mesurer son action par soi-même dans l'instantané puis c'est final. Jamais regarder en arrière. Puis c'est une très mauvaise habitude. Toi, tu l'as, cette mauvaise habitude. Faut jamais regarder en arrière. Faut pas regarder les effets. Jamais. Parce que si vous regardez les effets, vous allez vous inquiéter des effets. Si vous vous inquiétez des effets, vous allez diminuer en vous. La sagesse de vous-même. Vous ne serez pas sûr de votre sagesse. Si vous n'avez pas de sagesse, mais vous n'aurez certainement pas de discernement. C'est vital de jamais regarder en arrière quand on fait cette affaire. Paf. Tu regarderas les affaires après. Donc ça vous amène à fonctionner au niveau de votre ego dans l'esprit. Dans votre esprit. Mais si vous fonctionnez avec votre ego dans votre ego, vous ne pourrez jamais sortir de votre ego puis de rentrer dans votre esprit. De changer l'énergie astrale à l'énergie mentale. La seule... Et si à un moment donné, on se rend compte d'une erreur possible, on dit, bon, moi, je viens de faire une erreur. Ben, ça va rentrer dans notre expérience. Vous ne faites jamais d'erreur. L'erreur, c'est une illusion de l'ego qui mesure la valeur de l'action en relation avec une valeur comparative de l'action, en relation avec des faits qu'il ne connaît pas de toute la totalité de son action et des effets de l'action. L'erreur, c'est ce que vous appelez l'erreur, vous autres, là. Vous devez en arriver à voir l'erreur comme une situation créée par le manque de précision dans l'énergie. À ce moment-là, vous n'en faites plus d'erreur. Et plus vous êtes dans l'énergie, mais moins vous êtes sujet à ce que vous appelez l'erreur. De sorte que moins vous êtes sujet aux influences planétaires. Moi, je me serais tué à soir si j'avais pas été dans. Mais rendu à ce point-là, t'en fais plus d'erreur, fait que je m'ai pas tué. Parce que là, eux autres peuvent connecter avec toi au niveau de ton corps physique, te faire faire le tournant ou te faire faire la chose au moment. Te faire faire peser sur gaz tant de quantité. Mais si ton ego n'est pas dans sa centricité totale, ils peuvent pas la faire la connexion. C'est là que vous tombez sous l'influence des planètes. C'est là que vous vous tuez. Doutez jamais de ce que vous faites. Habituez-vous à ne pas douter de ce que vous faites. Il y en a parmi vous autres qui sont arrivés à ce stage-là de ne pas douter de ce qu'ils font. Si vous réalisez comment c'est mauvais pour vous autres de douter de ce que vous faites, vous seriez surpris. Vous ne pouvez pas douter de ce que vous faites. Doutez de quoi? Si vous doutez de ce que vous faites, c'est parce que vous comparez ce que vous faites à d'autres choses. Vous êtes en dehors de votre centricité, vous êtes en dehors de vous-même, vous êtes en dehors de votre esprit, vous êtes totalement dans votre ego. Alors, il y aura toujours des conditions dans votre vie où ils vont faire exprès pour vous amener à jamais douter de ce que vous faites. C'est là que vous avez des situations de crise. Les situations de crise servent pour ça. Quand c'est fini ce travail-là, il y a une petite situation de crise à vous faire vivre. Vous avez une vie en paix, au moins une fois pour toutes. L'ego vit de la vie des autres égaux. L'ego vit la vie des autres égaux. Parce qu'il se compare tout le temps. Tu peux pas te comparer. Puis tu peux pas questionner ton action. Faut que tu vives dans la vibration de ton esprit tout le temps, pas dans l'impulsion de ton ego. Tout le temps dans la vibration de ton esprit. Puis la vibration de l'esprit, elle va toujours contre l'ego, tout le temps. Jusqu'à temps que l'ego soit assez en harmonie avec l'énergie de l'âme, qu'à ce moment-là, il n'y a plus de problème, l'ego. Il ne peut plus souffrir. Il ne peut plus douter. Il ne peut plus se questionner. Il ne peut plus se comparer. Il avance, puis avance, puis avance. Là, vous faites du chemin, maudit. Là, vous avancez vite. Là, ils peuvent vous amener aussi vite qu'ils veulent. Qu'ils peuvent. C'est comme marcher strictement avec l'intuition. C'est comme marcher strictement avec l'intuition. Mais ce qui arrive, c'est que l'ego attache toujours une valeur à l'intuition. Attachez jamais de valeur à l'intuition. Marchez avec. L'intuition va faire des choses qui vont vous amener à comprendre des choses. Mais si vous intellectualisez votre intuition, l'intuition automatiquement va vous fausser. Puis là, vous allez dire, ça ne vaut pas la merde, ça fait va. Vous allez retourner à votre ego encore. C'est pour ça que l'intuition, les gens s'en foutent. Pourquoi? Parce que les gens, ils croient pas. Parce qu'à faute. Elle est faite pour ça. Pour que les gens apprennent. Une fois que ça marche, là, ça marche, l'intuition, t'es même plus dans ce plan-là. C'est un couteau. Tout ce que tu fais chaque jour, c'est un couteau, puis un couteau, puis un couteau. Fait qu'éventuellement, tu te ranges tellement d'arbres que chez vous, il n'y a plus de forêt. Il n'y a plus d'ombre. C'est plus facile d'être dans l'incertitude quand on est C'est plus facile d'être sûr de ce qu'on fait quand on est dans l'état de prendre une décision, là. Puis à ce moment-là, on trouve qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là. On va dire qu'on a une motivation de trouver qu'est-ce qu'il faut faire. Oui, mais ça, c'est créé par la crise. Puis ça vous met automatiquement dans une souffrance. Vous ne pouvez pas tout vivre dans la souffrance. Quand tu fais quelque chose sans y penser, tu es dedans. Vous n'avez pas besoin de penser. Okay. Quand tu vas faire pipi, tu ne penses pas. On n'a pas besoin de penser. Mais aussitôt qu'on arrive à une décision, il faut qu'on pense. C'est automatique. Penser pour nous autres devant une décision. Pas penser devant une décision, c'est quasiment extraordinaire. On dirait que ça n'a pas de bon sens. Puis c'est là qu'il ne faut pas penser. Tu suis l'énergie, paf. S'il n'y a pas d'énergie, tu ne pourras pas agir, anyway. Si l'énergie est là, tu t'agis dessus. Là, tu coupes toute la graisse de l'émotion, de la sentimentalité, tout ce qui est subjectif. Là, là tu apprends des décisions. Prends des grosses décisions, des petites décisions, c'est les mêmes décisions. C'est parce que c'est pas le temps. Quand vous n'avez pas de décision ce moment, c'est parce que c'est pas le temps. Attendez. Quand vous avez des problèmes, vous ne devriez jamais penser à vos problèmes. Si vous pensez à vos problèmes, vous allez vous créer des problèmes. La pensée, la solution du problème, c'est eux autres qui vous la donnent. Ils vont vous la donner en deux semaines, pas avant. Mais on est bourré de mauvaises habitudes. Eux autres, ils nous les font comprendre synthétiquement parce que les points de référence sont synthétiques. Fait que ça touche bien les habitudes. Sans ça, on ne pourra jamais avancer, la foi du bon Dieu. Jamais. Bien trop compliqué. Quand ils disent qu'on ne compare tout jamais à personne, c'est une clé, ça, qui touche tout ça d'affaires. Ça l'élimine. Une autre chose. Il y a un qui parlait à soir qui me disait que on détruit des formes pour on construit une autre forme. Qui c'est qui parlait à soir? Qui c'est que tu disais? Comment tu m'avais expliqué ça? Le fait qu'on est une forme, on est une forme dans nos pensées. Ouais. On a tendance, à chaque fois qu'on met une idée, même si on veut nous éliminer ces formes-là, on ne pense pas éliminer notre propre forme. On crée des extensions à notre forme. On en recrée d'autres pour remplacer celles qu'on voulait éliminer. Comme tu disais, les aides alignées. On n'en a pas parlé. Tu veux que m'en laisse. Ah. Alors, si tu me donnes. Ouais, je voulais dire, on a des formes, comme on dit, Dieu. Donc, c'est une forme. Et puis moi, je disais, là, on peut s'en créer d'autres en buvant des ailes de lumière. Là, on s'attache une autre forme. C'est le risque. Bon, OK. Les ailes de lumière sont des ailes de lumière. Dieu, c'est un concept. Dieu peut être une autre affaire. Ou non, Dieu peut être les ailes de lumière aussi. T'sais. Dieu, c'est un concept. Les ailes de lumière sont les ailes de lumière. Faut pas qu'on s'attache aux ailes de lumière, parce que si on s'attache aux ailes de lumière, à ce moment-là, on développe du sentiment spirituel envers eux autres. tu vas pas développer des sentiments spirituels envers les autres parce qu'ils vont nous le faire détruire parce que c'est une forme. Ça leur plonge dans la spiritualité. Tu commences à avoir des sentiments spirituels avec eux autres. Tu vas développer une spiritualité ou pas. En les appelant les écœurants, tu détruis la vibration du sentiment spirituel. Tes prêts comme ils sont là, puis nous autres on est ici. Ça, c'est une des raisons pourquoi est-ce que je parle comme ça. Sans ça, les gens s'accrocheraient à une autre patente. Surtout quand tu commences à communiquer avec eux autres, c'est encore bien pire. Parce qu'avant, les gens ne communiquaient pas avec eux autres. C'est spirituel. Mais là, quand tu commences à communiquer avec eux autres, si t'es pas mental, ben, tu vas tomber des pas. Ils vont te dire qu'ils t'aiment, puis là, tu vas pleurer. Tu sais, arrête plus. Moi, je sais, je l'ai vécu, ça. Moi, je les aimais à un point, eux autres. Je les aimais à un point où ils m'ont coupé une fois la communication pendant 2 minutes, puis j'ai eu une grande solitude. 2 minutes. Dans 4 ans. Je m'ennuyais. 2 minutes de break dans 4 ans. C'est ce qu'on dit. Je suis bien. Je veux rien savoir, les autres. Ils sont là. Ils sont où, là? Faut qu'on dépasse ça, les sentiments spirituels. Puis quand tu communiques avec eux autres, c'est encore pire, parce que c'est encore plus réel. Il y en a qui peuvent les voir sur les grands avantages, hein, comme elle, là. Faut pas que l'ego s'attache à rien. Puis il dit, nous autres, dans notre vie de tous les jours, faut qu'on apprenne une fois pour toutes à jamais se comparer. Puis c'est pas facile, ce que je dis là. Faut qu'on apprenne à réaliser qu'on est cela. Ce qu'on fait, quoi que ce soit ce qu'on fait, quelle que soit la décision qu'on prenne, tu sais. Parce qu'une fois qu'on a compris ça, cette affaire-là, là, on commence à sortir de notre deuxième peau. Puis notre deuxième peau, c'est la peau qui fait qu'on est des êtres secondaires, qu'on est des créatures de Dieu. La grande soumission. La grande dévotion. Tinexit, plus ou moins. Comment tu veux qu'on manifeste notre énergie d'une façon pleine en tant que canal? Si on a toujours un boulet attaché à nous autres, on n'est pas capable. On va toujours avoir une restriction, puis une restriction, puis une restriction. Faut pas qu'on ait de restriction, parce que la vie, ça n'a pas de restriction. Puis la vie, elle passe dans nous autres. Faut pas qu'on ait de restriction. Mais au niveau de notre ego, faut qu'on s'habitue à ça. Parce qu'on n'est pas habitué à ça. On n'est pas habitué à réaliser qu'on est ça. On peut penser qu'on est fin, qu'on est intelligent, ou qu'on n'est pas intelligent. Mais à réaliser qu'on est smart, on n'est pas habitué à ça. La belle, il commence à réaliser qu'il est... Je vais te dire quelque chose, la belle. La belle, il commence à réaliser qu'il est puissant. C'est vrai, pas vrai. C'est au bout. C'est qui dans son garage? Il commence à réaliser qu'il est puissant. Puis il est puissant. Il y a une force. Il n'est pas manifesté encore dans sa grandeur. Mais là, c'est pas dans son ego. Pas orgueilleux. Mais quand ça passe, cette affaire-là, ça passe. Puis sa souffrance qui l'a amené là, lui, à réaliser. Sa souffrance. Quand on parle de puissance, on parle pas de la puissance égoïque. Là. On parle de cette force qui est en nous autres, puis on sait que c'est ça. Le marteau-pilon. Parce que lui, il fonctionne au niveau du marteau-pilon. C'est pas une force comme la mienne. La mienne est bien. La mienne, elle peut être bien délicate, ma force. C'est grosse pression sur une petite surface. Lui, c'est plutôt encore. C'est encore brutal, un petit peu. Marteau-pilon. Avec le temps, ça se raffine, puis ça se raffine, puis ça se raffine, puis ça se raffine. Puis éventuellement, ça se cache complètement. Puis ça sort quand c'est le temps. Mais au moins, quand elle passe, il y a vie. Il dit, occupez-vous pas où c'est votre esprit, où c'est votre ego. Occupez-vous du fait que quand ça passe, que votre ego s'enlève de là. C'est différent. Pas divin. Ouais. Il dit que c'est un peu comme le même phénomène des esprits et de la lumière. Occupez-vous pas sur eux autres ou sur eux autres. Occupez-vous de vous autres d'être capable de le vivre, cette expérience-là, jusqu'à temps que ça se neutralise. C'est au niveau de la même chose au niveau. Occupez-vous pas de votre ego. C'est votre ego, mais non, c'est eux autres. C'est toujours eux autres dans votre ego. C'est à votre ego d'être capable de prendre l'énergie quand il part. Là, à ce moment-là, vous transmettez votre ego en énergie, en esprit, parce que vous substituez tout ce qui est émotionnel en vous en mental. C'est ça le patent, c'est ça. C'est tout substituer ce qui est ici et l'amener ici. Constamment, constamment, constamment. Sans ça, vous allez tout être des petits toutous. Il dit qu'ils ne sont pas intéressés à ce qu'on soit bon. Il dit qu'on l'est déjà trop. On l'est déjà trop. Ça, ça veut dire qu'on ne l'est pas avec une quantité mesurée. On l'est avec une quantité démesurée. Bon. On est démesurément bon. Les gens spirituels sont démesurément bons. C'est pas bon, moi. Moi, je suis juste correct. Vous autres, vous êtes bons. Puis vous souffrez d'être bon. Moi, je souffre pas d'être correct. S'il faut que j'en donne de même, j'en donne de même. S'il faut que j'en donne de même, j'en donne de même. S'il faut que j'en donne comme ça, j'en donne comme ça. J'en donne toujours suivant la quantité qu'il faut que je donne. Sans ça, on souffre d'être bon. Faut pas qu'on souffre de rien. Fait que ça, pour en arriver à ça, faut jamais qu'on compare. Fait que si une journée t'es chien, finalement. Ils vont te passer une vibration, t'es chien. Là, l'ego vibre un petit peu, ils se comparent, ils chient. Je suis pas fin. Là, ils diminuent sa force. Une autre journée, ils te font passer une autre vibration, t'es bon. Tu donnes à l'infime 5 piastres, hein, 2 piastres. La terre est remplie de bonnes intentions. Puis elle n'a pas une qui marche, comme du monde. C'est pas des bonnes intentions, on a besoin de la conscience. C'est dur à l'ego de comprendre ça, parce que l'ego, il est fait de ça. Tu peux pas demander à des gens spirituels de ne pas être spirituel. Mais tu peux leur demander de dépasser les illusions de la forme de leur spiritualité. Moi aussi, je suis un être spirituel. Plus que vous ne serez peut-être jamais. Mais ça ne m'entrave pas, ce patente-là. Ça n'entrave pas ma conscience. Ça n'entrave pas mon action. Ça n'entrave pas mon travail. Moi, je ne veux pas être spirituel en relation avec vous autres pour être spirituel. S'il faut que je ne sois pas spirituel avec vous autres pour que vous autres vous en arriviez à dépasser la forme, je vais le faire. C'est ça, la conscience. La conscience, ça domine tout. La conscience, ça contient le spirituel, ça contient le matériel, ça contient le positif, ça contient le négatif. C'est tout ça. C'est ça, la conscience. Il dit, on a avantage à réaliser à un moment donné qu'on doit, à un moment donné, renverser notre vapeur. Parce qu'il dit que les gens qui sont dans la recherche, qui sont en évolution vers le supplémentaire, sont tous bons, anyway. Personne n'est pas bon. On a avantage de renverser la vapeur. Il dit, nos vies sont tellement claires qu'on ne veut plus clair. Ça, c'est un des grands défauts de l'école spirituelle sur la Terre. C'est que ça fait de nous autres des saints. Il ne s'agit pas d'être des saints. Il s'agit d'être plus grand que les saints. C'est le fait là. Ça, c'est inconscient. Il dit, nous autres, en terre, on pense, d'une certaine façon, mais il dit pas de même. Il dit, tout ce qu'on pense, c'est tout l'opposé de la réalité, de ce qu'on pense. C'est pas de même, pantoute, pantoute, pantoute, pantoute. C'est pour ça que notre évolution vers le supplémentaire n'est pas facile. faut que ça soit, nous soit martelé dans l'esprit, ça, pour qu'on en arrive à le saisir, à le saisir, à le saisir. Parce que l'ego, l'intellect, il ne peut pas le saisir, ça. Une fois que c'est martelé, là, éventuellement, ça rentre. Et là, on commence à avoir le feeling de l'affaire. C'est tout au niveau du feeling. C'est pas au niveau de l'entendement, c'est au niveau du feeling. Puis il dit que vous ne pouvez pas leur demander par vous-même ces affaires-là. À moins d'avoir déjà pris conscience de cette affaire-là. Là, quand vous avez pris conscience de cette affaire-là, là, vous pouvez leur demander sur cette affaire-là, puis là, ils vont vous répondre, mais pas avant que vous ayez pris conscience de cette affaire-là. C'est le dialogue. C'est vrai. Parce que si vous leur demandez, vous autres, avant d'avoir pris conscience de cette affaire-là, vous allez leur demander ça toujours en relation avec un certain amour propre. L'amour propre, l'ego, c'est un amour sale. L'ego a toujours une petite raison en arrière pour quelque chose. Fais le temps, fais le temps, fais le temps. Fais le temps. L'ego est jamais neutre. L'esprit est neutre. Quand l'ego rentre dans l'esprit, puis là, il est neutre. Puis là, il retourne dans l'ego, dualité. Puis il retourne dans le neutre. Puis il retourne dans la dualité. Puis il retourne dans le neutre. L'ego est jamais neutre. L'ego, c'est un visage à deux faces. Le vrai plus faux. L'esprit n'a pas de visage. Quand l'ego fonctionne en relation avec son esprit, là, il est bien. Il regarde dans l'esprit, il ne regarde jamais dans le miroir de l'ego. Mais vous autres, vous regardez tout dans votre miroir, dans votre miroir, dans votre miroir, dans votre miroir. Lâchez-les votre miroir, pétez-les une fois pour toutes. Si vous regardez dans votre miroir, vous allez tout voir une image, tout le temps. L'image de quoi? De votre ego. L'image de votre dualité, l'image de vos problèmes, l'image de vos sentiments, l'image de votre imperfection, l'image de votre dignité. Fait vous allez vous diminuer, vous diminuer, vous diminuer. Lâchez-les le miroir, pétez-les une fois pour toutes. Eux autres doivent devenir notre point de référence. Point final. Là, l'ego va avoir une claque. Là, l'ego monte en esprit automatiquement parce qu'ils vont te dire c'est ça. Si tu te regardes dans le miroir, tu ne vas pas te dire c'est ça. Tu vas te cacher derrière ce que tu veux. Tu vas te cacher derrière une forme quelconque. Tu vas rationaliser la situation quelconque. Mais si tu communiques avec eux autres, ils vont te dire c'est ça. Final. Là, tu es obligé de prendre ta pilule. Là, tu montes. Tu changes en esprit ton ego. C'est pour ça qu'il y en a qui ont la difficulté à passer leur cap. Parce qu'ils ont toujours le miroir devant les autres, puis le miroir, puis le miroir, puis le miroir, puis le miroir. C'est l'analyse, vous voulez dire? L'analyse de soi? L'analyse, tout ça. Moi, là, si je demandais dans la salle, il y en a-tu un qui se sent parfaitement dans sa peau. La belle? Quand t'es rendu à te sentir parfaitement dans ta peau, t'es rendu à être pas mal bien dans la vie. Je n'ai pas dit que tes actions sont parfaites, mais tu es dans ton énergie. Ton énergie. Hein? C'est ça. Quand ils disent dans les vieux textes, les tièdes, je les vomirai de ma bouche. C'est des paroles puissantes, c'est Charlie. Puis je sais, moi, ce que ça veut dire, ça. C'est effrayant, ça, ce que ça veut dire, ça. Les tièdes? Je vais vomir les tièdes de ma bouche. Moi, je sais ce que ça veut dire occultement, ça. C'est effrayant, ce que ça veut dire. C'est pour ça que les gens doivent passer un certain acheminement pendant un certain nombre d'années pour en arriver à prendre, soit passer d'un côté ou de l'autre. C'est pour ça que je dis souvent, la relation est un lien absolu. Tu peux pas être tiède. C'est tout ça ou tout ça. Vous allez voir, au cours des années, c'est de même. Notre nature est totalement transvestie. Elle est plus réelle, notre nature. Parce que c'est plus notre nature, c'est pas notre nature. C'est une nature qui tout. On est vêtu de vêtements qui nous appartiennent pas pantoute, qui nous fait pas pantoute. Il dit qu'ils partageront jamais la terre. Il dit que ça veut dire qu'ils ne céderont pas à la forme. Ça veut dire qu'il y a bien du monde qui va être éliminé. Ça plaît bien. Ils ne céderont pas à la forme. Puis moi, quand j'essaie de vous expliquer quelque chose, je suis obligé d'employer des mots pour vous expliquer quelque chose, mais je le comprends. Je le comprends ce qu'ils veulent dire dans l'esprit de la réalité. Puis. J'aimerais ça vous le faire comprendre dans l'esprit de la réalité, mais dans l'esprit de la réalité, ça ne se saisit pas tant que tu n'es pas dans cet esprit-là. Donc, automatiquement, je suis obligé de. Ça retombe au niveau des mots. C'est pas ça que je veux dire. C'est pas dans les mots. C'est dans la vibration c'est dans la vibration de la réalité qu'on saisit ça. Ça veut dire que ils feront passer la terre à travers n'importe quoi, mais ils détruiront la forme sur la terre qui empêche l'homme d'être en contact avec la lumière. Faut que l'homme soit en contact direct avec la lumière. Puis quand je dis direct, je dis direct. Que l'homme voie la lumière, travaille avec la lumière, se serve des forces. Alors tout ce qui empêche ça, qui est la forme, qui est la nourriture de l'ego, ils vont le détruire. Qu'il y en a qui puissent passer à travers, qu'il y en a qui puissent pas passer à côté. Pour eux autres, c'est totalement sans importance. Ça fait partie des conditions de l'ego. Bon, au niveau de l'avenir, au niveau de l'évolution, au niveau de l'âge qui vient, au niveau de la sixième race, au niveau de l'éthérique. C'est pour ça que je vous dis, prenez le plus des mots que je vous dis, prenez-en le plus possible. Parce que tous les mots que je vous dis ont une valeur vibratoire qui veut dire quelque chose. Tout ce que je veux dire, il veut dire. Il n'y a rien que je dis qui ne veut pas dire quelque chose. Il n'y a rien que je dis qui peut tomber à côté et qui ne peut pas pousser quelque part si ce n'est pas dans un bon sens. Il faut que ça pousse. Faut que l'ego en vienne à pouvoir faire son activité sans que le mental inférieur réfléchisse dessus. Il y en a une qui me demande à soi si c'est la paresse. C'est une illusion de l'ego de la paresse. Ça n'existe pas, la paresse. Elle me parlait de motivation. La motivation, c'est une illusion de l'ego, ça n'existe pas. Une personne qui n'a pas de motivation, c'est une personne qui n'a pas de volonté. Le manque de volonté, ça existe. Mais il apparaît, c'est une illusion de l'ego. T'as pas de vibration. Mais l'ego, lui, il se pénalise, il n'y a pas ça de la paresse. Il fait rien, il se pénalise, après ça, il y a un manque de motivation. C'est tellement ténébreux, la loi des formes. C'est tellement occulte, la loi des formes. qu'un homme qui connaît les lois des forts, il n'est plus, ne fait plus partie de la cinquième race de l'homme. Je parle tout des maudites formes, puis des formes, puis des formes, puis des formes. S'il vous plaît. On est fait de formes. L'ego est fait de formes. L'ego. L'ego sans forme, il ne peut pas fonctionner. Alors, il est obligé de transmuter un esprit. Un ego, là, si t'enlevais de l'ego, là, si t'enlevais, tu prends quelqu'un sur la rue, tu enlèves toutes les formes de son ego, final, il est plus vide. Parce qu'il est fait de ça. Il tombe en dépression, il se suicide. Alors, l'ego est changé lentement en esprit pour que quand il soit en dehors de la forme, il ne se suicide pas. Mais il est bien. Mais soudainement passer d'un ego à un état de forme à un état d'informe, il faut que tu le fusionnes avec, sans ça, il capote. Moi, s'il ne m'a pas fusionné, je me serais fait sauter à patate depuis longtemps. Tu ne peux pas fonctionner sans forme. La forme, ça donne la couleur à ta vie, ça donne la couleur à ta personnalité, ça engendre dans ta personnalité des valeurs. Ça donne du piquant à ta vie. Enlève donc le piquant à la vie. L'ego ne peut pas fonctionner sans force. Ça, on ne peut pas se débarrasser de ça d'une seconde, puis tranquillement. Pour vous débarrasser de ça, tout d'un coup, il faut que vous soyez fusionné, il faut qu'il vous fusionne avec vous autres sur tous vos plans. Là, c'est final. Là, vous n'avez pas le choix. Quand même, tu voudrais te mettre le 45, tu n'es pas capable, c'est eux autres qui contrôlent ton corps physique. Donc là, tu es safe contre le fait que tu n'es pas dans la forme. Mais quand ils le font par évolution, les gens disent c'est long, je comprends, c'est long, vous êtes bien que c'est long. On est fait de ça, on vit de ça. Vous pensez de ça. Vous vous fâchez de ça. La forme. C'est comme ça que les forces retardataires ont le contrôle sur l'humanité. C'est pour ça que je dis que sur la Terre, sur la Terre, on vit le mal planétaire. À une échelle, à une profondeur. Incroyable. Faut pas s'arrêter à trop y penser, hein? C'est pour ça qu'il faut pas penser à ces affaires-là. Si jamais vous avez l'occasion de visiter en astral la Lune, voir les effets de la Lune sur la planète Terre, ouais, c'est cochon. Le mal planétaire est maintenu sur la planète Terre par la Lune, conjointement avec les forces du mal qui sont dans le centre de la Terre. Fait que l'homme est pognant entre les deux. Cochon. Oh, la Lune, vous regardez ça, c'est le côté. J'ai déjà vu ça, la Lune. Hein? J'ai déjà vu ça, la Lune. Une porte s'ouvrir, deux personnes sortent de là. Mais il y avait une autre, là. Elle est attachée pareil, comme dans le temps de César, admettons. Et j'ai laissé pas ça, je... Mais ça fait longtemps. Mais je pensais pas qu'on pouvait vivre en intérieur, mais je l'avais vu là, parce que ça. Pas plus que ça, je sais pas. Vous autres, vous voyez. Vous voyez quelque chose? Moi, je peux être dans mon automobile et je passe mon temps à écraser du monde dans mon char. Il y a du monde qui passe devant moi et je passe au travail, puis je passe au travail, puis je passe au travail, puis je passe au travail. Mais toi, je suis paniqué, je breakerais, je me casse la gueule. Je passe au travail. Quand tu rencontres du monde, tu es devant ton char sur l'autoroute. La tendance naturelle, c'est d'arrêter. Moi, je passe au travail. C'est tout des illusions. Mais c'est pas des illusions, ça, c'est un autre plan. C'est parce que je jouais trop. Fait. Bon, c'est pas une de matière. Tu vis deux plans en même temps. Ça dépend. Tu peux vivre sur deux plans en même temps, tu peux vivre sur trois plans en même temps. Tu peux être sur sept plans en même temps. Ça dépend de ton niveau vibratoire. C'est pour ça que j'essaie de faire saisir pour que les gens saisissent l'importance de l'ego, de ne jamais se questionner. C'est pour ça que j'ai fait la cassette sur la pornographie. Je n'ai pas eu une tête. Celle-là. Le gars, il sait pas pourquoi est-ce qu'il est pornographe. Il en souffre. La patente. Ça va loin du monde, de l'homme. Nos petites activités tendancieuses qui nous sera approché par le curé, tout de ça. On est un mystère à soi-même. Il faut qu'on en arrive à se connaître, à se comprendre totalement.